إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, nous en sommes aujourd'hui au chapitre que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a intitulé باب صلاة أهل الأعذار, chapitre au sujet de la prière des gens des excuses. Ce qui est visé par les gens des excuses, ce sont ceux qui ont une excuse leur permettant de faire une prière différente dans sa forme ou dans son nombre, en présence de cette excuse. Et les excuses dont il est question ici, ce sont la maladie, le voyage et la peur. Et c'est ce qu'a mentionné l'auteur, rahimahullah ta'ala. Dans ces trois situations, la prière du musulman sera différente de sa prière lorsqu'il est en bonne santé, résident et en sécurité. Elle va être différente ou bien dans son nombre, ou bien dans sa forme. Et ceci est tiré de la règle générale dans la législation islamique, soutenant que la difficulté entraîne la simplification ou la facilité. C'est-à-dire que la difficulté présente, en raison de la maladie, du voyage ou de la situation de peur, elle pousse à faciliter les choses afin que le musulman puisse s'acquitter de sa prière. Et les preuves de cette règle, ce sont notamment trois versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier, le verset 185 de Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ » Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté. Il dit également dans cette même surat, au verset 286 « لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا » Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Et il dit subhanahu wa ta'ala au verset 78 de Surat al-Hajj, Ma ja'ala alaykum fid-dini min haraj. Il ne vous a imposé aucune gêne en religion. C'est donc pour cela qu'en ce qui concerne la prière, lorsque le musulman est malade, lorsqu'il est en voyage ou lorsqu'il est dans une situation de peur, les règles de la prière ont été simplifiées. Et ce afin qu'il ne délaisse cette adoration immense en aucune situation. Le Cheikh rahimahullah ta'ala a donc commencé par les règles liées à la prière du malade. Et le malade, c'est celui dont la santé est altérée, que ce soit totalement, c'est-à-dire que la maladie touche l'ensemble de son corps, ou alors qu'elle soit altérée partiellement, sur une partie de son corps seulement. Et le malade, comme l'ensemble des musulmans, pubère et doué de raison, il est obligatoire pour lui de prier. Et il ne doit en aucun cas délaisser la prière, quelle que soit la situation. Toutefois, comme on va le voir, la prière a été pour lui simplifiée car il va prier en fonction de sa situation. Donc tout d'abord, le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit « Wal marid yu'fa anhu hudur al-jama'a » Et le malade, il est excusé quant à la présence à la prière en groupe. C'est-à-dire que ce n'est pas une obligation pour lui de se rendre à la prière en commun. On a vu hier que la prière en commun, c'est une obligation individuelle pour les hommes, qu'ils soient résidents ou en voyage. Mais ici, le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit que le malade fait exception, et ce en raison de la difficulté endurée à cause de sa maladie. En effet, lorsque la personne est malade, il se peut qu'elle ait du mal à se lever, à bouger, à rester debout ou à marcher. Donc, il est excusé et peut accomplir la prière à son domicile ou à l'endroit où il se trouve. Toutefois, s'il est capable de se rendre à la mosquée et qu'il n'y a pas pour lui de difficulté en cela, comme dans le cas où sa maladie est une maladie légère qui ne lui cause pas réellement de tort, alors il est préférable pour lui de se rendre à la mosquée afin d'accomplir la prière en commun. Bien sûr, on parle ici des maladies qui ne sont pas contagieuses et non pas dans la situation où nous sommes aujourd'hui en période d'épidémie où celui qui est malade d'une maladie contagieuse ne se rendra pas à la prière en commun et ce, afin de préserver les musulmans et de ne pas leur causer du tort. La preuve concernant la permission pour le malade de ne pas se rendre à la prière en commun, C'est le hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. D'après Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit qu'à leur époque, personne ne s'absentait de la prière en commun, à l'exception d'un hypocrite dont l'hypocrisie était connue et un malade. C'est-à-dire que le malade est excusé. Et dans les recueils authentiques d'Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, il nous est rapporté de Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, que lors de la maladie de sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Abu Bakr de diriger la prière aux gens. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté dans sa demeure pour prier et il n'est pas sorti à la mosquée. Ceci nous prouve donc que le malade est excusé pour cela. Ensuite, le shir rahimahullah ta'ala nous dit: Wa idha kana al-qiyam yazidu maradahu, salla jalisan, fa in lam yutiq. فعلى جنب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله تعالى عنه صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري. Il dit ensuite, toujours concernant le malade, si le fait de se tenir debout augmente sa maladie, alors il prie assis. Et s'il ne peut pas, alors sur le côté. Et ce, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Imran ibn Hussein, qui est un compagnon, qui s'est plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une maladie, il lui a alors dit sallallahu alayhi wa sallam, prie debout, si tu ne peux pas, alors assis, et si tu ne peux pas, alors sur le côté. Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. On voit donc que si le malade ne peut pas se tenir debout, s'il en est incapable, ou alors, si cela est pour lui difficile ou que cela augmente sa maladie, il lui est permis dans cette situation de prier assis. Mais la base est qu'il doit prier debout, c'est-à-dire pour les prières obligatoires. Car, en ce qui concerne les prières surérogatoires, il est permis de prier assis, que l'on soit malade ou non. Toutefois, si la personne a une excuse, elle aura sa pleine récompense, comme c'est le cas du malade. Mais si elle n'a pas d'excuse, elle aura seulement la moitié de la récompense. Donc, l'obligation, en ce qui concerne les cinq prières, c'est de les faire debout. Car la station debout, comme on l'a vu, c'est un pilier de la prière. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on voit dans le hadith qu'il a dit à Imran, prie debout, et si tu ne peux pas, prie assis. Il n'est donc pas permis de s'asseoir pour la prière obligatoire alors que tu peux te tenir debout. Il ne faut pas être négligent à ce sujet ou avoir dû laisser aller. À partir du moment où tu peux te tenir debout, alors il t'incombe de prier debout. Même si ce n'est que penché, comme pour celui par exemple qui souffre d'une maladie au dos, qui peut se tenir debout sans difficulté, mais ne sera pas complètement debout, il sera penché ou légèrement incliné. Alors dans ce cas-là, il devra prier ainsi. Ou alors, si tu peux te tenir debout en t'appuyant sur une canne, ou un mur, ou un pilier, ou même à une autre personne, comme c'est le cas de ceux qui souffrent d'une certaine faiblesse et qui ont besoin d'un appui pour se lever. Dans ce cas-là, il prie debout même s'il doit s'appuyer sur une chose tant que cela n'est pas difficile pour lui. Et s'il ne peut pas se mettre debout, il prie alors assis. Mettant en pratique la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans son noble livre « Fattakullaha mastata'tum »« Craignez Allah autant que vous pouvez ». Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith « Prie debout et si tu ne peux pas, prie assis ». On voit donc qu'il a légitimé la prière assis pour celui qui ne peut pas se tenir debout. Et la question qui se pose ici est: est-ce que la permission de prier assis est seulement réservée à celui qui est incapable de se tenir debout? La réponse est que cela ne lui est pas seulement réservé, mais cela concerne également celui qui a de la difficulté à se tenir debout. Et ce, comme le démontre la généralité de la règle que l'on a mentionnée au début de cours. La difficulté appelle la facilité. Toutefois, quelle est la difficulté qui lui permet de prier assis? Car on observe une certaine négligence à ce sujet. Il y a parfois des gens, ils viennent à la mosquée, ils viennent à pied, ils marchent jusqu'à la mosquée, ils rentrent dans la mosquée, ils restent debout à discuter avant la prière, après la prière. Mais au moment de la prière, ils s'assoient. Et si tu l'interroges à ce sujet, il te dit « oui, mais j'ai une douleur au genou ». Mais cette douleur au genou, elle ne l'a pas empêché de rester debout avant la prière ou après la prière, un quart d'heure ou une demi-heure à discuter devant la mosquée. Elle l'a simplement empêché de prier debout. Allahul Musta'an. Il est donc important de bien comprendre quelle est la difficulté qui me permet de prier assis en cas de maladie. Les gens de science ont dit que c'est la difficulté qui te fait perdre al-khushu', l'humilité ou la concentration en prière, la présence du cœur et la sérénité. C'est-à-dire si lorsque tu es debout, tu n'es pas serein, tu n'arrives pas à te concentrer en raison de la douleur ou de la gêne provoquée par la maladie, de sorte à ce que tu ne souhaites que terminer l'unité afin de pouvoir t'asseoir, t'incliner ou te prosterner. Alors dans ce cas-là, la difficulté est réelle et il t'est permis de prier assis afin de pouvoir concrétiser l'humilité et la quiétude dans ta prière. Et entre dans cela, comme on a dit, celui qui craint que le fait de se mettre debout augmente sa maladie ou alors retarde sa guérison. Mais on doit bien faire attention à ne pas s'asseoir à la moindre difficulté. Mais la difficulté prise en considération est la difficulté apparente telle qu'on vient de la définir. Les savants sont donc unanimes concernant le fait que celui qui est incapable de se tenir debout pour la prière obligatoire, il l'accomplira alors assis. Et il n'a pas à la refaire, même si après il peut se tenir debout. Et ceci ne diminue en rien de sa récompense, et ce car il a une excuse qui est l'excuse de la maladie. Reste à savoir comment doit-il s'asseoir? Y a-t-il une manière particulière légiférée pour s'asseoir? La réponse est qu'il va s'asseoir de la manière qui lui est facilitée. Et ce car dans les textes, il n'est pas précisé de manière particulière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, si tu ne peux pas, alors assis. Il ne lui a pas dit assis de telle ou telle manière. Donc, tu peux t'asseoir de la manière qui t'est la plus simple pour prier. Mais la sunna est de s'asseoir en tailleur, comme cela est rapporté de Aïcha radiallahu ta'ala anha qui dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier assis en tailleur. Et ce car cette position en réalité, c'est la position la plus à même de te permettre de te concentrer, d'être à l'aise en prière. C'est donc la sunna pour celui qui en a les capacités de s'asseoir sur le sol en tailleur lorsqu'il ne peut pas prier debout. Et dans cette situation, comment vas-tu faire pour l'inclination et la prosternation? La réponse est que lorsque tu vas t'incliner, tu baisseras ta tête en posant tes mains sur tes genoux. Quant à la prosternation, si tu es capable de la faire, alors ceci est une obligation et tu n'as pas le droit de délaisser la prosternation alors que tu en as les capacités. Car la prosternation est un pilier de la prière. Donc celui qui ne peut pas se tenir debout mais qui a les capacités de se prosterner, il est obligatoire pour lui de se prosterner. Et s'il ne peut pas se prosterner, mais qu'il peut simplement se tenir assis, alors dans ce cas-là, il baissera sa tête plus bas pour la prosternation que pour l'inclination. Et les gens de science ont dit, s'il est possible pour lui de mettre ses mains au sol, comme c'est le cas pour celui qui est assis en tailleur, alors il mettra ses mains au sol. Ce car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on m'a ordonné de me prosterner sur sept membres. Il a mentionné le front et le nez, les deux mains, les deux genoux et les deux pieds. Donc ici, il peut poser ses mains. Il va donc craindre Allah autant qu'il peut en posant ses mains s'il en a les capacités. Et quel est le jugement de la prière sur une chaise? Est-il permis pour le malade de prendre une chaise pour s'asseoir? La réponse est que s'il est difficile pour lui de s'asseoir au sol, et qu'il est plus simple pour lui de s'asseoir sur une chaise, alors il n'y a pas de gêne, inshallah ta'ala. Il prie sur la chaise, et sa prière est valide, bi'idhnillah. Et il baissera sa tête pour la prosternation plus bas que pour l'inclination. La troisième étape est la situation de celui qui ne peut pas prier assis non plus. Ou alors pour qui? Le fait de se tenir assis est difficile, d'une difficulté apparente, lui faisant perdre son humilité et sa concentration en prière. Alors dans ce cas-là, il prie sur le côté, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, et s'il ne peut pas, alors sur le côté. Et sur quel côté doit-il prier? Est-ce sur le côté droit ou sur le côté gauche? La réponse est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas précisé dans le hadith. Il a dit s'il ne peut pas, alors sur le côté. Ceci nous prouve que tu as le choix entre le fait de te mettre sur le côté droit ou sur le côté gauche, selon ce qui t'est facilité. En effet, lorsqu'on est malade, il y a parfois un côté sur lequel on se sent mieux. Donc, il choisira le côté sur lequel il se sent mieux. Et s'il n'y a pas de gêne pour lui, qu'il peut aussi bien se mettre à droite qu'à gauche, alors il est préférable de se mettre sur le côté droit. Et ce, d'après la généralité du hadith de Aïcha radiallahu ta'ala anha, qui a dit qu'il plaisait au prophète sallallahu alayhi wa sallam la droite en toute chose. Et on a déjà mentionné dans des cours précédents la parole de l'Hafidh an-Nawawi rahimahullah ta'ala à ce sujet. Il se couchera donc sur le côté droit si c'est possible ou alors sur le côté gauche en tenant son visage en direction de la Qibla, si cela est possible. Mais s'il ne peut pas tourner son visage en direction de la Qibla et qu'il n'y a personne pour l'aider à se coucher de cette manière, alors il prie, quelle que soit sa direction, et il est excusé, Inch'Allah ta'ala. Et dans cette situation, comment va-t-il faire pour s'incliner et se prosterner? Il est couché sur le côté, le visage en direction de la Qibla. Il ne peut donc pas s'incliner et se prosterner. Donc s'il est couché sur le côté, il devra, pour l'inclination et la prosternation, faire des mouvements avec sa tête. C'est-à-dire qu'il va la baisser pour l'inclination et la baisser un peu plus pour la prosternation. Mais en quelle direction doit-il la baisser? Est-ce qu'il doit la baisser vers le sol ou alors est-ce qu'il doit la baisser vers sa poitrine, comme s'il était debout? La réponse est qu'il va la baisser vers sa poitrine. Et ce, car s'il la baisse vers le sol, en réalité, il va détourner son visage de la Qibla. Il va donc baisser légèrement sa tête vers sa poitrine pour l'inclination et la baisser un peu plus pour la prosternation. Et les gens de science ont dit, s'il ne peut pas faire cela, si même sa tête, il ne peut pas la bouger, alors comment doit-il faire? Dans cette situation, ils ont dit qu'il peut prier ne serait-ce qu'avec le mouvement de ses yeux. C'est-à-dire que pour l'inclination, il baissera légèrement ses paupières et pour les prosternations, il les baissera un peu plus. Et certains ont dit que l'intention lui suffit. C'est-à-dire qu'il prononce toutes les paroles de la prière, il fait le takbir, récite, puis ensuite il dit Allahu Akbar, et il met l'intention de s'incliner, même s'il ne peut pas. Il fait le tasbih, puis ensuite il dit Sami'a Allahu liman hamida, avec l'intention de se relever, et ainsi de suite. Il prononce toutes les paroles de la prière et met l'intention de chacun de ses mouvements. Et s'il ne peut pas prier sur le côté, qu'il est par exemple sur un lit couché sur le dos, et qu'il ne lui est pas possible de faire de mouvement, alors dans ce cas-là, il lui est permis de prier sur le dos. Si c'est possible, on mettra son lit avec les pieds en direction de la Qibla. Et si ce n'est pas possible, il priera, quelle que soit sa direction. Et il fera pour l'inclination et la prosternation la même chose que l'on vient de mentionner. Donc en résumé, en ce qui concerne le malade, premièrement, si sa maladie est légère et qu'il peut se rendre à la mosquée, alors il doit s'y rendre. S'il ne peut pas, il va alors prier chez lui. Dans la mesure du possible, il priera debout. S'il ne peut pas, il va prier assis. S'il ne peut pas, coucher sur le côté. Et s'il ne peut pas, coucher sur le dos, les pieds en direction de la Qibla, si cela est possible. Ceci est donc un résumé des questions liées à la prière du malade. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a mentionné un autre point, toujours concernant le malade, et il a dit. Et s'il est difficile pour lui de faire chaque prière en son temps, alors il peut réunir entre le dhuhr et l'asr, et aussi entre le maghrib et l'isha, et ce à l'heure d'une des deux prières. Il est permis pour le malade, en cas de difficulté, de réunir les prières afin de lui faciliter l'accomplissement de cette adoration. Par exemple, s'il est difficile pour lui de se lever afin de se rendre à la salle de bain et que cela lui demande de grands efforts, alors dans ce cas-là, il sera permis pour lui de faire les ablutions à l'heure du dhuhr ou bien à l'heure du asr, puis de faire le dhuhr et l'asr et les réunir à l'heure d'une des deux prières, selon ce qui lui est facilité, ou bien à l'heure du dhuhr ou bien à l'heure du asr. Et il fera la même chose pour le maghrib et l'isha. Toutefois, il accomplira toutes ses prières en entière. Il lui est simplement permis de les réunir, mais non pas de les raccourcir. C'est-à-dire qu'il fera 4 unités pour le dhuhr et 4 unités pour l'asr. Et ensuite, le soir, il fera 3 unités pour le maghrib et 4 unités pour l'isha. Tout ceci afin de lui faciliter l'accomplissement de cette adoration dans cette situation. On voit donc que la charia, la législation islamique, elle a été simplifiée pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a accordé de nombreuses facilités afin que l'on puisse faire la prière quelle que soit notre situation. Il n'est donc pas permis pour le musulman d'être négligent quant à l'accomplissement de cette prière. Et il est important de faire le rappel à tous ceux qui sont autour de nous concernant cette obligation. Car nombreux parmi les musulmans pensent que lorsqu'ils sont malades, ou alors lorsqu'ils sont hospitalisés suite à une opération ou autre, ils ne sont pas dans l'obligation de prier. Étant donné qu'ils ne peuvent pas faire la prière de la manière complète, ils pensent qu'il n'y a pas d'autre solution, alors ils la délaissent. Il se peut que certaines personnes mettent l'intention de rattraper ces prières manquées. Mais ceci est une grave erreur. Et la personne se met en danger, car elle a ainsi délaissé la prière et l'a fait sortir volontairement de son temps. Mais l'obligation pour chacun d'entre nous est d'accomplir nos prières, quelle que soit la situation, et ce en fonction de nos capacités, et se mettant en pratique la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « Fattakullaha mastata'tum »« Craignez Allah autant que vous pouvez. » Après cela, le cheikh rahimahullah ta'ala est passé aux règles de la prière du voyageur. Et il a dit « Wakadha al-musafir yajuzu lahu al-jam'a » Et de la même manière, il est permis aux voyageurs de réunir ses prières. Et ce comme le démontre le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, d'après Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voyageait, avant l'heure du dhuhr, il repoussait le dhuhr à l'heure de l'asr et il les réunissait. Il est donc permis pour le voyageur de réunir le dhuhr avec l'asr à l'heure d'une des deux prières et de réunir le maghreb avec l'isha à l'heure d'une des deux prières. Ensuite, il dit, rahimahullah, wa yusannu lahu al-qasr lis-salati ar-ruba'iyya ila rak'atayn. Et la sunna pour lui est de raccourcir les prières de quatre unités en deux unités, c'est-à-dire le dhuhr, l'asr et l'isha. Lorsque tu es en voyage, pour chacune de ces prières, tu ne vas faire que deux unités. Quant au Fajr et au Maghreb, le Fajr, elle a déjà deux unités, donc elle restera ainsi même pendant le voyage. Et le Maghreb, tu l'accompliras en trois unités comme lorsque tu es résident. La preuve concernant le raccourcissement des prières est le hadith d'Ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhuma, qui a dit « J'ai tenu compagnie au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en voyage. Il ne faisait pas plus de deux unités, et ce jusqu'à sa mort. Et j'ai tenu compagnie à Abu Bakr. Il ne faisait pas plus de deux unités, et ce jusqu'à sa mort. Et je tenus compagnie à Omar. Il ne faisait pas plus de deux unités jusqu'à sa mort. Et j'ai tenu compagnie à Uthman. Il ne faisait pas plus de deux unités jusqu'à sa mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala a certes dit, Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Vous avez certes en le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le voyageur a été exempté du jeûne et de la moitié de la prière. Le shir rahimahullahu ta'ala a donc dit que cela est la sunnah, c'est-à-dire qu'il est recommandé pour le voyageur de raccourcir ses prières. On comprend donc que ceci n'est pas une obligation. Et ceci est un des différents avis des gens de science sur cette question. Car en effet, ils ont divergé sur le jugement du raccourcissement des prières pour le voyageur. Le premier avis est celui qu'a mentionné l'auteur, que le raccourcissement est une sunna qui est recommandée et qu'il est permis pour le voyageur de faire ses prières en entière, en faisant quatre unités. Le deuxième avis est que le raccourcissement est une sunna, mais que le fait d'accomplir les prières en entière est détestable, et ce car cela s'oppose à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous l'avez entendu dans le hadith d'Ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam raccourcissait tout le temps ses prières lors des voyages. Et il a certes dit « Priez comme vous m'avez vu prier ». Il ne convient donc pas de s'opposer à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait pour sa prière lors de ses voyages. Le troisième avis est que le raccourcissement est une obligation pour le voyageur, et que s'il complète sa prière, qu'il la fait en entière, alors il est dans le péché. Bien sûr, on fera exception du cas où il prie derrière un résident, car dans cette situation, il devra compléter sa prière pour suivre l'imam. Quoi qu'il en soit, l'avis qui paraît le plus fort, comme l'a mentionné le Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, c'est celui de Cheikh l'Islam Taymiyyah, qui a mentionné que compléter sa prière durant le voyage est détestable. Le plus prudent pour le voyageur est donc de raccourcir sa prière durant son voyage, car ainsi tu sors de la divergence et c'est cela qui est le plus proche de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Reste quelques points à voir concernant la prière du voyageur. Tout d'abord, quel est le voyage permettant de réunir les prières et de les raccourcir? Parmi les gens de science, certains ont mentionné que le voyage permettant cela est le voyage qui est permis. C'est-à-dire que celui qui fait un voyage qui est interdit, alors il n'aura pas le droit de profiter de ses permissions. Comme quelqu'un qui voyage dans une autre ville avec pour intention de commettre un péché. Dans ce cas-là, il ne pourra pas profiter des facilités accordées aux voyageurs, car son voyage est interdit. Entre dans cela également le voyage de la femme sans mahram, car la femme n'a pas le droit de voyager sans mahram. Donc si elle voyage sans mahram, son voyage est interdit. Par conséquent, elle ne pourra pas profiter des permissions accordées aux voyageurs. Donc tout cela nous montre l'importance pour le musulman de se conformer aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, en accomplissant ce qu'il a ordonné, en délaissant ce qu'il a interdit. Et ne pas se mettre en danger en commettant des péchés et des interdits, car, comme tu le vois, un interdit peut en entraîner un autre. Ensuite, quelle est la distance du voyage permettant de raccourcir et réunir les prières? Les savants ont grandement divergé sur cette question. Certains ont mentionné différentes distances. Certains l'ont évalué à une distance équivalent approximativement à 82 ou 85 kilomètres, ou d'autres distances. Et l'avis le plus juste à ce sujet est que le voyage n'est pas délimité par une distance particulière. Et ce, car cette délimitation, elle nécessiterait une preuve du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et tous ceux qui ont délimité cette distance, ils n'ont aucune preuve authentique et explicite à ce sujet. Et les paroles des compagnons radiyallahu ta'ala anhum qui sont mentionnées à ce sujet, elles sont divergentes. Donc à partir du moment où elles sont différentes, elles ne peuvent constituer un argument en cela. On va donc s'arrêter à ce qui est venu dans les textes du livre et de la Sunna. Et il n'y a donc aucun texte délimitant une distance particulière à partir de laquelle on est considéré en voyage ou non. Donc à partir du moment où il n'y a pas de texte, à quoi doit-on se référer? On va se référer à l'usage dans le pays dans lequel on vit. Ce qui est considéré comme un voyage dans l'usage sera alors un voyage permettant de raccourcir et réunir les prières. Et ce qui n'est pas considéré comme tel ne permettra pas cela et la personne devra se considérer comme résidente. Et l'usage, il peut différer selon les pays et selon les époques. Et les déplacements que l'on fait, ils sont de différentes sortes qui peuvent globalement être réunis en quatre situations. La première situation est que la personne se déplace longtemps et d'une longue distance, selon l'usage. Alors, dans ce cas-là, c'est un voyage et il n'y a pas de problème en cela. Par exemple, elle voyage d'un pays à un autre pour une durée d'une semaine. Il n'y a pas de doute que ceci est un voyage. La deuxième situation est qu'elle se déplace un court moment pour une courte distance, comme c'est le cas, par exemple, d'une personne qui part le matin dans une ville voisine et qui rentre le soir. Dans cette situation, il n'y a pas de doute que ceci n'est pas un voyage. La troisième situation est que la personne parte un court moment, mais pour une longue distance. Par exemple, la personne part le matin, prend le TGV de Paris à Lyon, puis le soir, elle rentre par le TGV. Elle fait donc ce déplacement en une journée. Donc cela, bien que la durée soit courte, en raison de la distance, il n'y a pas de doute que ceci est un voyage. Et la quatrième situation, c'est que la personne se déplace pour un long moment, mais à une courte distance. Par exemple, une personne part dans une autre ville, éloignée de la sienne, pour quelques jours. Dans ce cas-là, elle peut se considérer en voyage en raison de la durée de son déplacement. Et tout ceci revient à l'usage. Et si une personne a le doute et ne sait pas si son déplacement est un voyage selon l'usage, alors la base est que tu es résident, jusqu'à ce que tu sois sûr que tu es en voyage. À partir du moment où tu as le doute, quant au fait que ce déplacement que tu fais est un voyage ou non, alors tu fais preuve de prudence. En faisant tes prières en entière, tu ne les raccourcis pas et tu ne les réunis pas, car la base est que tu es résident jusqu'à ce que tu sois sûr que ce déplacement est bien un voyage. Et à partir de quand le voyageur peut-il raccourcir et réunir ses prières? La réponse est que dès qu'il sort, on parle bien sûr ici de celui qui sort avec l'intention de voyager, d'une distance considérée comme telle selon l'usage. Donc celui-ci, il est considéré comme voyageur à partir du moment où il a quitté les dernières constructions de sa ville, les dernières habitations. Donc il sort de chez lui, il monte dans sa voiture, il n'est pas encore en voyage. Il commence à rouler, à traverser sa ville, il n'est toujours pas en voyage. Une fois qu'il est sorti de sa ville, à partir de ce moment, il est considéré comme voyageur. Donc, une question qui revient souvent, lorsque j'arrive à l'aéroport, qui est par exemple à 20 ou 30 km de chez moi, suis-je en voyage ou non? Naam, étant donné que tu as quitté ta ville, que tu es arrivé à l'aéroport, il t'est permis de profiter des permissions accordées aux voyageurs et de raccourcir et réunir tes prières. Et jusqu'à quand le voyageur peut-il raccourcir et réunir ses prières? La réponse, c'est qu'il peut faire cela jusqu'à son retour, et qu'il n'y a pas de délimitation mentionnée dans les textes de manière authentique et explicite, indiquant une limite à ce sujet. Donc tant que tu es en voyage, même si ce voyage dure plus de 4 jours, ou 19 jours, ou 21 jours ou autre, il t'est permis de raccourcir et réunir les prières. Quant à la réunion des prières, si tu es dans un endroit fixe, par exemple, tu es durant quelques jours dans un hôtel, hébergé chez quelqu'un ou autre, et que tu as la possibilité de faire chaque prière en son temps, alors ceci est préférable, et tu te contenteras de raccourcir les prières sans les réunir, sauf en cas de besoin. Et lorsque l'on a besoin de réunir les prières, le mieux est-il de les réunir à l'heure de la première prière ou à l'heure de la seconde prière? La réponse est que tu feras ce qui est le plus simple pour toi. S'il est plus facile pour toi de les réunir à l'heure de la première prière, tu les réuniras à cette heure-ci. Et s'il est plus simple pour toi de les réunir à l'heure de la seconde prière, alors tu les réuniras de cette manière et il n'y a pas de gêne en cela. Également, ce n'est pas une condition d'avoir l'intention de raccourcir et de réunir. Mais à partir du moment où tu es en voyage, il t'est permis de raccourcir et réunir, même si au début de la prière, tu n'y avais pas en tête, par exemple. Se peut que la personne, quand elle part en voyage, elle commence sa prière, et au cours de sa prière, elle se rappelle qu'elle est en voyage et qu'elle va devoir faire seulement 2 unités. Et il n'y a pas de gêne en cela, ce n'est pas une condition d'avoir l'intention de raccourcir et de réunir. Et également, ce n'est pas une condition de faire les 2 prières immédiatement l'une après l'autre. Et lorsque le voyageur réunit ses prières, il est légiféré pour lui de faire l'adhan une seule fois. Si par exemple il va réunir le dhuhr et l'asr, il fera l'adhan une seule fois. Puis après l'adhan, il fera l'iqama pour le dhuhr. Et après avoir terminé les 2 unités, il va saluer, puis se relever immédiatement pour accomplir l'asr après avoir fait l'iqama pour celle-ci. Donc, on ne fera l'adhan qu'une seule fois, l'iqama pour chaque prière, et les adhkar seulement après la deuxième prière, et non pas entre les 2 prières, car ceci n'est pas rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et beaucoup de personnes demandent qu'en est-il concernant celui dont les voyages se répètent, comme c'est le cas par exemple du chauffeur routier, ou du chauffeur de taxi, ou du chauffeur de bus, et ainsi de suite, qui voyagent par exemple quotidiennement, peuvent-ils ou non réunir et raccourcir les prières quotidiennement? La réponse est que cela leur est permis à partir du moment où ils sont en voyage. Si un chauffeur de bus, par exemple, accomplit un trajet qui est une distance de voyage chaque jour, alors il lui sera permis de raccourcir et réunir ses prières durant son voyage. Et il en est de même pour le chauffeur routier ou le chauffeur de taxi ou autre chose semblable. Et ici, il reste une question sur laquelle beaucoup de personnes interrogent et qui concerne le cas du voyageur qui se trouve dans un moyen de transport à l'heure de la prière. Par exemple, dans un bus ou dans un avion. Donc tout d'abord, lorsque tu te retrouves dans cette situation, que tu sais que tu vas voyager en bus ou en avion, et qu'il y aura des prières à accomplir durant ce voyage, tu devras alors te renseigner concernant les horaires du voyage, le moment du décollage, de l'atterrissage en ce qui concerne l'avion, le moment du départ et de l'arrivée en ce qui concerne le bus, et également en ce qui concerne le bus, est-ce qu'il va y avoir des pauses ou non sur la route? Tu te renseignes au préalable à ce sujet. Puis ensuite, tu compares ces horaires aux heures de prière, afin de voir à quel moment tu pourras faire ta prière en dehors de ce moyen de transport. Si c'est possible avant le départ ou avant le décollage, alors tu accompliras ta prière avant de monter dans le bus ou de monter dans l'avion. Si lorsque tu arriveras au moment de l'arrivée, au moment de l'atterrissage, le temps de la prière n'est pas encore terminé, alors tu accompliras la prière après ton arrivée ou après l'atterrissage. Mais si l'un et l'autre ne sont possibles, que l'avion décolle avant l'entrée du temps de prière et qu'il n'atterrit qu'après la sortie du temps de prière, dans ce cas-là, la personne devra prier dans le moyen de transport, que ce soit le bus ou l'avion. Et les gens de science ont dit que dans cette situation, tu dois mettre en pratique la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, fattakullaha mastata'tum. Craignez Allah autant que vous pouvez. C'est-à-dire que s'il t'est possible de te mettre debout en direction de la Qibla, de te prosterner au sol, alors tu vas le faire. Il n'y a pas de doute qu'aujourd'hui, dans certains pays, cela peut être très problématique et pourrait mettre la personne en danger. Donc tu vas prendre en considération cela. Si cela est possible, alhamdulillah, si tu es dans un endroit où il est possible de faire cela ou de demander l'autorisation du personnel afin de pouvoir prier debout et qu'il n'y a pas de gêne en cela, alors tu le feras, inshallah ta'ala. Si cela n'est pas possible, tu vas regarder si tu peux prier debout en direction de la Qibla et pour la prosternation t'asseoir sur ton siège. Si cela n'est pas possible, alors tu te mettras en direction de la Qibla si c'est possible et tu prieras assis sur ton siège. Et si cela n'est pas possible, tu prieras sur le siège, quelle que soit la direction. Et ceci est en cas d'incapacité de prier autrement. Il est indispensable de passer par les différentes étapes, car celui qui prie directement assis, sans se soucier de savoir s'il peut prier debout, ou s'il peut prier avant le décollage, ou après l'atterrissage, ou alors s'il voyage en bus, si le bus va s'arrêter, qu'il va y avoir une pause, alors dans ce cas-là, celui-ci n'a pas craint Allah comme il pouvait. Mais il a fait preuve d'une certaine forme de négligence à ce sujet. Ceci était donc quelques points concernant la prière du voyageur. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit: Walahu al-fitru bi Ramadan. Et il a la permission de rompre pendant Ramadan, c'est-à-dire le voyageur. Il lui est permis de rompre son jeûne durant le mois de Ramadan en raison de son voyage. Est-ce qu'il est préférable de rompre ou non? Et dans quel cas est-il préférable pour lui de rompre? Et dans quel cas est-il préférable pour lui de ne pas rompre? On verra tout cela, inshallah ta'ala, si Allah nous le permet, lorsque nous arriverons au chapitre concernant les règles du jeûne. Ensuite, le shir, rahimahullah ta'ala, a mentionné ce qui est lié à la prière de la peur. La prière de la peur, c'est celle qui est légiférée en cas de guerre. Par exemple, en cas de guerre, lors d'une bataille, lorsque les musulmans se retrouvent face à l'ennemi. Il dit, rahimahullah, وَتَجُوزُ صَلَاتُ الْخَوْفِ عَلَى كُلِّ صِفَةٍ صَلَّاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et il est permis de faire la prière de la peur selon toutes les manières qu'a accompli le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la prière de la peur de différentes manières, qui nous sont rapportées dans différents hadiths. Et toutes ces manières sont légiférées. Et le shir, rahimahullah ta'ala, ici, il nous en a mentionné une seule, qui est la plus proche de ce qui est venu dans le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il a donc dit, فَمِنْهَا حَدِيثُ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ عَمَّنْ صَلَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَوْمَ ذَاتَ الرِّقَاعِ صَلَاةَ الْخَوْفِ. Parmi ces manières, il y a celle qui nous est rapportée dans le hadith de Salih ibn Khawwat, d'après celui qui a prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de Dhat al-Riqa. Anna ta'ifatan sallat ma'ahu, wa ta'ifatan wijaha al-adu. Un groupe est venu prier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et un autre groupe est resté faire face à l'ennemi, afin de protéger ceux qui étaient en prière. Fasalla bil ladina ma'ahu raka'a. Il a donc fait avec ceux qui étaient avec lui une unité de prière. Puis ensuite, il est resté debout, sallallahu alayhi wa sallam, et ceux derrière lui ont complété, ils ont rajouté une unité. Ils ont donc fait une unité derrière lui, ensuite il s'est relevé, et eux, ils ont complété la deuxième unité. Ils ont terminé la prière. Ensuite, les premiers qui ont terminé, ils se sont levés et ils se sont mis en rang pour faire face à l'ennemi. Et le deuxième groupe qui faisait face à l'ennemi en premier, il est venu prier derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'unité qui lui restait à prier. Ensuite, il dit ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لِأَنفُسِهِمْ. Il a donc fait la deuxième unité sallallahu alayhi wa sallam qui pour ceux derrière lui était la première. Une fois arrivé à la fin de la prière, il s'est assis وَأَتَمُّوا لِأَنفُسِهِمْ. Et eux, ils ont terminé. C'est-à-dire qu'il les a attendus assis et eux, ils ont terminé leur deuxième unité qu'ils n'avaient pas faite. ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ. Puis ensuite, il a fait les salutations. Il nous dit que ce hadith est muttafaqun alayhi, rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allahu ta'ala. Ceci est donc une des manières d'accomplir la prière de la peur. Il dit ensuite, rahimahullah, وَإِذَا اشْتَدَّ الْخَوْفِ صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. Et en situation de grande peur, c'est-à-dire lorsqu'ils craignent un grand danger, ils prient en marchant ou sur leur monture, que ce soit en direction de la Qibla ou en une autre direction. Et ils baissent la tête pour l'inclination et la prosternation. C'est-à-dire qu'ils baissent la tête pour la prosternation plus bas qu'ils ne la baissent pour l'inclination. La preuve à ce sujet est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Baqarah, au verset 238 et 239. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. Soyez assidus à vos prières et surtout la prière médiane et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Et mais si vous craignez un danger, alors en marchant ou sur vos montures. C'est-à-dire si par exemple ils sont poursuivis par l'ennemi et que c'est l'heure de la prière, qu'elle va sortir de son temps. Il leur a alors permis de prier même s'ils sont debout, qu'ils marchent ou qu'ils sont sur leur monture. Et ils feront simplement des mouvements de tête pour l'inclination et la prosternation, à hauteur de leur capacité. Ensuite, le shir, rahimahullah ta'ala, il dit « وَكَذَلِكَ كُلُّ خَائِفَ عَلَى نَفْسِهِ يُصَلِّ عَلَى حَسَبِ حَالِهِ وَيَفْعَلُ كُلَّ مَا يَحْتَاجُ إِلَى فِعْلِهِ مِنْ هَرَبٍ غَيْرِهِ » Il dit « Il en est de même pour toute personne qui a peur pour elle-même. Elle prie selon sa situation et elle fait tout ce dont elle a besoin de faire, comme la fuite ou autre. » À supposer par exemple qu'une personne soit poursuivi par des brigands, par des voleurs, ou des gens qui veulent l'agresser, lui faire du mal. Et que c'est l'heure de la prière et que le temps de prière va sortir. Même dans cette situation, tu ne délaisses pas la prière. Tu prieras, même si ce n'est qu'en faisant des mouvements de tête pour l'inclination et la prosternation. Ou alors à supposer qu'une personne soit prise en otage, se retrouve dans une situation où elle est dans un lieu où il y a un criminel armé qui menace les gens, et qu'elle est par exemple cachée, qu'elle ne veut pas se faire repérer. Dans ce cas-là, elle priera à hauteur de ses capacités. Si elle sait que c'est l'heure de la prière et qu'elle ne peut pas bouger, elle priera en faisant ce qu'elle peut de sa prière, même si ce n'est qu'avec des mouvements de tête. Il mentionne ensuite la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ » Lorsque je vous ordonne une chose, faites-le autant que vous pouvez. Donc la personne, elle craint Allah autant qu'elle peut. Quelle que soit sa situation, qu'elle soit malade, en voyage ou en situation de peur, elle ne doit en aucun cas délaisser la prière, car la prière est le pilier de la religion. Et c'est ce qu'il y a de plus important après les deux attestations de foi. On a donc terminé concernant ce chapitre. On verra dans le prochain cours, Inch'Allah ta'ala, les règles liées à la prière du Jumu'ah, la prière du vendredi. Wa sallallahu wa sallim wa barik على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم